Gloire à Ernest Esclangon, respect à Ernest Esclangon, n'oublions jamais Ernest Esclangon. Ernest Esclangon, pendant des dizaines d'années, nous a permis de savoir quelle heure il était. Pas quelle heure il était, à peu près quelle heure il était à la seconde près. Quelle heure est-il, Madame Persil? 7h15, Madame Placard, en êtes-vous sûre, Madame Chaussure? Sûr et certain, Madame Patin. Respect à Ernest Esclangon, honneur à Ernest Esclangon, gardons en nous le souvenir intact d'Ernest Esclangon. Ernest Esclangon, astronome, physicien, né à Mison sous MacMahon, mort à Héranville sous Coty. Ernest Esclangon, concepteur, constructeur de l'horloge parlante, mise en service en 1933, reproduite dans le monde entier. Quelle heure est-il, Madame Chenil? 10h15, Madame Plumard. En êtes-vous sûre, Madame Peinture? Sûr et certain, Madame Sapin. Dans le merveilleux tandem de Patrice Lecomte, le vieil animateur Jean Rochefort, Michel Mortaise s'invente une vie palpitante et appelle un amour imaginaire à l'autre bout du monde, dans une vie rêvée, dans une virée triste, en composant le numéro de l'horloge parlante avant de faire un malaise qui n'a pas vu le regard désespéré de Gérard Jugnot, riftot le chronomètre, saisissant le combiné de la main de Mortaise pour s'apercevoir de la pitoyable imposture de son cicérone, ne sait rien de la douleur secrète, de l'empathie universelle, du désarroi intime, ne sait rien de l'humanité. Oh mon amour, ça me fait du bien de t'entendre. Une journée sans toi est une journée foutue. Oh, je t'aime mon amour. Je m'aperçois que tu me manques chaque jour davantage. Michel! Michel! Allô madame, il est... Au quatrième temps, il sera exactement 13h44. Quelle heure est-il, Madame Péril, midi et quart, Madame Cauchemar? En êtes-vous sûre, Madame Brûlure? Sûr et certain, Madame Chagrin. L'horloge parlante qui nous disait l'heure exacte, précise, officielle, irrécusable, certifiée depuis 1933, disparaîtra à jamais le 1er juillet 2022. Elle ne sert plus à rien. Aujourd'hui, chaque possesseur de téléphone portable est un astronome, un physicien en puissance capable de donner une heure aussi exacte, précise, officielle, irrécusable, certifiée que celle de l'invention magique d'Ernest Esclangon. Alors, pour le plaisir, simplement pour la jouissance de l'inutile, pour l'éphémère du dépassé, pour la grâce du suranné, le délice de l'obsolète, le ravissement du désuet, juste après cette chronique, prenez le temps de composer le 36-69 pour une dernière fois écouter la voix de l'horloge parlante qui bientôt, à jamais, se taira, comme un jour se tairont toutes les voix contemporaines de ceux à qui nous sommes éternellement reconnaissants de situer notre époque et s'effaceront dans l'oubli. Gloire, respect, honneur, déférence, estime et considération pour Ernest Esclangon. Merci à vous François Morel. François qu'on retrouve sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris à partir du 17 mai avec son spectacle « Tous les marins sont des chanteurs ». France Inter.